Today is the 13th of July 2012. Penultimate day of our retreat. Aujourd'hui, nous sommes le 13 juillet 2012, l'avant-dernier jour de notre retraite de 3 semaines. The topic of this retreat's last Dhamma talk is to anywhere you to assess your practice by comparing your experiences with the following insight progress. I'm delighted and encouraged by the reports of some of the yogis who seemed to have made good progress in this meditation retreat. Le sujet de ce sermon de ce soir, c'est de vous permettre d'évaluer par vous-même dans quelle mesure vous avez progressé au cours de cette retraite en comparant vos expériences avec la description des étapes de connaissance Vipassana. Je suis satisfait et encouragé par les rapports de certains yogis qui semblent avoir progressé de façon très sensible au cours de cette retraite. Je vais commencer par parler de Nama Rupa Paricheda Jnana. Lorsque l'attention et la concentration deviennent fortes, que l'esprit se focalise très attentivement sur l'objet d'observation, vous pouvez voir les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Lorsque vous expérimentez des sensations désagréables et même très désagréables, que votre corps est en transpiration, vous faites l'effort de noter ces sensations de façon énergique. Avant de pratiquer la méditation, vous n'étiez pas conscient lorsque votre esprit vagabondait. Mais maintenant, vous en êtes conscient. Parfois, vous pouvez noter immédiatement l'esprit qui pense, qui imagine. Il arrive même que certains yogis peuvent voir le moment où l'esprit s'apprête à s'envoler. Tout ceci veut dire que vous êtes en mesure dorénavant de faire la différence entre l'esprit et la matière. C'est le signe que la sagesse vipassana ou les connaissances vipassana commencent à se développer. On appelle cela la connaissance analytique du corps et de l'esprit, Nama Rupa Paricheda Jnana. Il n'y a en vous que des objets et l'esprit qui les notent. Et ces deux choses apparaissent ensemble. À part l'objet et l'esprit qui note cet objet, il n'y a rien à l'intérieur de vous qui ressemblerait à un être, à une personne. Si le yogi réalise cela clairement, très distinctement, au moment où il est attentif, il peut se réjouir, car cette première connaissance, il l'aura réalisée. Elle s'appelle, comme je l'ai déjà dit, Nama Rupa Paricheda Jnana. On peut dire également que cette connaissance fait la différence entre l'esprit et la matière. Le yogi fait clairement la différence entre les éléments physiques de la rigidité, de la douceur, du mouvement, de la fluidité, de la cohésion, de la chaleur et du froid. Le yogi est également capable de faire la différence entre les états mentaux comme la tristesse, la joie, l'ennui, etc. Cette compréhension provient d'une attention ininterrompue à tous les phénomènes physiques et mentaux. Ce n'est pas une compréhension qui s'enracine dans la spéculation ou la réflexion. Elle ne vient pas de la lecture de livres, de l'écoute d'enseignements. C'est une compréhension authentique, intuitive. Voir que 100% de nos expériences est composée uniquement d'esprit et de matière va éliminer temporairement la vue fausse selon laquelle un ego existerait indépendamment de ses phénomènes physiques et mentaux. Tant que l'attention est maintenue, le doute dans le Dhamma ne peut pas se manifester. La pratique ininterrompue de l'attention va vous amener à comprendre la relation de causalité entre l'esprit et la matière. On appelle cette connaissance la connaissance qui discerne la conditionnalité. Pekeya Parigaha Jnana. Vous êtes attentif à tout ce que vous êtes occupé à faire. Vous êtes également attentif avant de faire le mouvement. Par exemple, vous sentez une sensation de chatouillement quelque part sur le corps, alors que vous êtes occupé à observer les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Vous avez l'intention de vous gratter. Vous notez cette intention. Vous notez l'intention d'avancer le bras, de vous pencher, etc. Vous notez toutes les intentions avant de vous asseoir, avant de passer à la posture debout. Vous êtes conscient de l'intention de vous asseoir, de l'intention de passer à la posture debout. Vous en arrivez petit à petit à voir l'intention pendant la marche également. Avant de lever le pied, vous notez cette intention de le faire. Vous notez l'intention d'abaisser le pied avant que le processus d'abaissement ne se manifeste. Ainsi, vous devenez conscient de la relation de causalité entre l'esprit et les mouvements dans le corps. Et de plus, si vous êtes attentif au fait de voir, vous réalisez les causes pour la conscience visuelle. Ces causes pour la conscience visuelle sont l'œil lui-même, la forme visible et l'attention. De la même façon, lorsque vous entendez un son, vous réalisez que ce son, la conscience du son, dépend de l'oreille, du son et de l'attention. Tout ceci sera encore plus clair si ces sons sont déplaisants, car alors le yogi pourra difficilement les ignorer. Et c'est la même chose pour les autres organes sensoriels. Le yogi observe les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, et après un certain temps, son esprit se met à vagabonder. S'il ne note pas l'intention de penser, ces vagabondages vont devenir des pensées discursives. Parfois, il est capable de noter l'intention de penser. L'esprit va alors rester sur les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen sans se mettre à vagabonder. Le yogi comprend alors qu'à cause de l'intention de penser, de laisser son esprit vagabonder, intention qui est causée par une attention incorrecte, ayoniso manasikara, son esprit se met à vagabonder. Et de la même façon, à cause de son annotation de cette intention de penser, causée par l'attention correcte, yoniso manasikara, son esprit ne se met pas à vagabonder. Parfois, le yogi a l'impression qu'il n'y a plus d'aucun objet à noter. Les mouvements de soulèvement et d'abaissement sont devenus si subtils que c'est comme s'ils n'existaient plus. Le corps semble avoir disparu. Le yogi pourrait alors croire que tout ceci est dû au fait qu'il n'est pas encore très habile dans l'art de noter. À certains moments, par contre, il est capable de noter toutes sortes d'objets. Il comprend ainsi que l'attention se manifeste tout simplement parce qu'il y a un objet. Certains yogis peuvent voir des images du Bouddha ou des images de moines. À ce stade de connaissance, les yogis expérimentent des sensations partout dans le corps. Le yogi va également réaliser que cette formation incessante d'esprit et de matière dans cette vie-ci est conditionnée par un karma passé. Cette compréhension va de pair avec un stade de purification appelé Kanka Vitarana Visuddhi. C'est la purification par la victoire sur le doute. Ceci assure à ce yogi une bonne renaissance. Il devient un Sotapanna junior. Ce yogi ne doit cependant pas se contenter de ses premières réalisations, de ses premiers résultats, et il doit poursuivre sa pratique. Cette connaissance élimine la vue fausse selon laquelle ce serait une force extérieure qui est responsable de ce que nous expérimentons. Nous voyons clairement qu'il n'y a à l'intérieur de nous qu'une suite ininterrompue de causes et d'effets. Cette réalisation élimine l'idée fausse que les choses se passent par hasard, sans cause. Voyons maintenant Samasana Jnana. Le yogi poursuit sa pratique et il voit clairement les dissolutions d'esprit et de matière. Il voit cela de façon complète. Il observe tous les phénomènes qui apparaissent à l'intérieur de lui. Lorsque son esprit vagabonde, il est capable de noter ses pensées et il voit qu'elles disparaissent instantanément. Précédemment, il n'était pas capable de noter toutes les pensées à l'instant même où elles se manifestaient. Mais maintenant, il en est devenu capable. Il voit donc l'origine, le début de la pensée, il voit son prolongement et il voit sa dissolution très clairement. Comme les pensées disparaissent en général dès qu'il en prend conscience, il acquiert la vision pénétrante de la loi de l'impermanence. Et lorsque le yogi pratique la marche, il voit que un pas disparaît lorsque l'autre se manifeste. Chaque fois qu'il fait un pas, qu'il lève le pied, qu'il le pousse vers l'avant et qu'il l'abaisse, il voit que ces processus apparaissent séparément l'un de l'autre. Ce sont des mouvements distincts l'un de l'autre. Ils sont discontinus. La nature transitoire de ces mouvements devient très claire pour ce yogi. Et c'est la même chose qu'il expérimente lorsqu'il observe les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Cette connaissance est appelée connaissance par compréhension, Samasana Jnana. Elle va vous rendre conscient du caractère déplaisant, désagréable, du caractère conditionné et du caractère insubstantiel de tous les phénomènes. On parle de la connaissance par compréhension, parce que, à ce stade, vous allez expérimenter encore et encore ces trois caractéristiques des phénomènes, Anicca, Dukkha et Anatta. Et vous allez les expérimenter de façon répétée, ces trois caractéristiques que vous venez de découvrir. Anicca Vipassana Jnana. Voir l'impermanence dans tous les objets de la conscience et dans cette répétition des objets à laquelle il est impossible d'échapper. Cette compréhension, cette réalisation va éliminer la vue fausse qui fait croire en la permanence des choses et va atténuer l'orgueil et la vanité. Dukkha Vipassana Jnana. Voir la dissolution des objets et tout particulièrement la dissolution des sensations désagréables va permettre aux méditants de réaliser clairement que cette impermanence des phénomènes amène l'insatisfaction et l'oppression. Cette réalisation va se faire, qu'il n'y a aucun refuge possible, que l'impermanence des phénomènes est quelque chose d'effrayant et de non désirable. Cette connaissance élimine la vue fausse qu'il est selon laquelle il serait possible de trouver son bonheur dans le domaine de l'impermanence. Anatta Vipassana. Voir le caractère incontrôlable des phénomènes qui sont impermanents et souffrances élimine l'illusion selon laquelle il y aurait à l'intérieur de ces phénomènes une entité permanente qui pourrait empêcher ou contrôler ces dissolutions. Cette compréhension va faire disparaître l'idée fausse selon laquelle il y aurait bel et bien à l'intérieur de soi une essence, une entité permanente, que ce soit dans l'esprit ou dans le corps. Je vais parler maintenant de Udaya Beyanyana. Le yogi poursuit sa pratique et continue à noter. Il va réaliser bientôt la connaissance des apparitions et disparitions, Udaya Beyanyana. Son attention à ce stade est devenue très ferme et très vive. Il ne doit plus faire d'efforts particuliers pour être attentif sans interruption. Tout ce qu'il note, il le voit disparaître instantanément. Il ne voit à l'intérieur de lui que des apparitions et disparitions. Il ne voit rien entre ces apparitions et disparitions. Il est possible qu'il voie des lumières extraordinaires, qu'il expérimente une joie intense. Il sent son corps très léger. Parfois, il a l'impression que son corps est soulevé dans le ciel ou qu'il flotte à la surface des vagues. Il peut aussi avoir des sensations de vibrations très fines ou de frissons dans le corps. Les expériences très agréables qui résultent de cette connaissance vont amener une foi très forte. Cette foi très forte va elle-même permettre à ce méditant de reprendre naissance dans les plans supérieurs. Beaucoup d'expériences inhabituelles vont se présenter à ce stade. Mais en fait, ces expériences inhabituelles peuvent devenir des corruptions ou des imperfections de la pratique en pali, vipassana ou pakilesa. Même si ces expériences sont très plaisantes, elles peuvent donc empêcher la progression du yogi si elles ne sont pas notées. À ce stade, il est donc très important que le yogi ne s'attache pas à ces sensations de joie intense. En effet, il s'est libéré des sensations désagréables et il n'expérimente à ce stade que des choses extatiques. Le yogi pourrait penser qu'il a atteint Nibbana et il ne s'efforce plus. C'est pourquoi il doit être très attentif à ce stade et continuer à noter. Je vais parler maintenant de Bhanganyana. Le yogi poursuit sa pratique. Ses expériences inhabituelles de joie, de légèreté, etc. vont diminuer et disparaître. Le yogi ne voit plus que les disparitions des objets. Il réalise ainsi la connaissance de la dissolution, Bhanganyana. C'est comme si les phénomènes avaient disparu avant même qu'il ait pu les noter. Lorsqu'il observe les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, il ne voit plus l'image de son abdomen. Les objets d'attention ne se déplacent plus d'un endroit à l'autre, mais ils disparaissent instantanément à l'endroit même où ils sont apparus. Et de plus, il comprend que chaque fois qu'il note, l'objet noté et l'esprit qui note cet objet disparaissent par paire. Il ne voit que des disparitions de sa conscience attentive et de l'objet d'attention, et il voit ces deux disparitions de façon séparée. Ayant compris ainsi que tous les phénomènes se dissolvent constamment, le yogi n'y voit plus rien d'agréable. Auparavant, il pensait que ces choses étaient agréables, mais il comprend maintenant que les choses n'en finissent pas de disparaître et il voit le manque de ces choses. Il ne voit aucune raison de s'attacher à ces choses qui seraient permanentes, agréables et substantielles. Il réalise leur véritable nature, c'est-à-dire qu'elles sont au contraire impermanentes, insatisfaisantes et insubstantielles. Cette connaissance permet au yogi de surmonter de façon très profonde l'illusion de la permanence du caractère agréable et insubstantiel de l'existence. Je vais maintenant parler des connaissances suivantes. Le yogi poursuit sa pratique et petit à petit, il va développer de nouvelles connaissances. Ne voyant que des dissolutions, Il commence à prendre peur. C'est Bayanyana. Il voit les défauts de tous ces phénomènes physiques et mentaux. Il n'y voit rien d'agréable. Il n'y voit plus rien qui serait digne de s'y attacher. Cette connaissance de la misère se dit en pali Adinavanyana. Le yogi devient ainsi lassé de l'existence. Il comprend qu'il n'y a rien à l'intérieur de lui qui ressemblerait à un je, à un tu, à une fille, à un fils. Il n'y a là que des agrégats d'esprit et de matière, qui de plus sont sujets à la dissolution. Il devient alors dégoûté et lassé de tout cela. Il réalise ainsi la connaissance du dégoût, Nibbidhaññāna. À ce stade, les yogis, en général, font de très longs rapports car ils pensent que leur pratique s'est détériorée. Le yogi continue à noter et il va bientôt ressentir le désir de se délivrer de tous ces phénomènes physiques et mentaux. Cette connaissance est appelée la connaissance du désir de délivrance, Munsitu Kamyata Jnana. Je vais vous parler maintenant de Sankharupekka Jnana. La concentration du yogi va encore se développer et il va bientôt réaliser la connaissance de l'équanimité par rapport aux formations, Sankharupekka Jnana. À ce stade, le yogi reprend donc son effort. Après quelque temps, il ne devra plus fournir d'efforts particuliers, il sera capable d'être simplement attentif à tout ce qui se manifeste et disparaît continuellement. Le yogi peut rester dans cet état pendant 2 ou 3 heures sans ressentir la moindre crampe, la moindre chaleur ou la moindre douleur. Il est libre des sensations désagréables. Son esprit ne vagabonde plus. Son attention est établie très fermement sur l'objet d'observation. Il peut noter très facilement tous les objets qui se manifestent à chaque instant, et ceci sans devoir fournir d'efforts. Lorsqu'il entre en contact avec un objet qui pourrait générer la tristesse, son esprit n'est pas dérangé. S'il voit des objets désirables, générateurs de joie, ou s'il pense à des choses désirables, il n'expérimentera pas de sensations particulièrement fortes de joie. Il a abandonné la joie. Lorsque le méditant expérimente cette connaissance, il va ressentir une paix mentale similaire à celle d'un arahant, un être parfaitement purifié. C'est à partir de cet état d'équilibre parfait de l'esprit que ce méditant peut pénétrer la paix de Nibbana. Lorsque cette connaissance aura atteint son plein développement, le méditant va réaliser la connaissance de l'adaptation, Anuloma Jnana. Après cette connaissance, il pourra réaliser Nibbana et la connaissance du chemin, Magga Jnana, la connaissance du fruit, Phala Jnana. À ce stade, les phénomènes physiques et mentaux s'arrêtent. Cette expérience est appelée illumination et elle transforme l'esprit de façon irréversible. Selon le Bouddha, il y a 4 niveaux d'illumination. Chacun de ces niveaux sera atteint lorsque toutes ces connaissances vipassana auront été franchies avec succès. Le premier niveau d'illumination est appelé Sotapanna, celui qui est entré dans le courant. Cette connaissance du chemin va éradiquer les impuretés de la vue fausse à propos d'un ego permanent, l'impureté du doute, et l'impureté qui fait adhérer à des pratiques incorrectes. Les kilesas, suffisamment fortes pour provoquer une renaissance dans les mondes inférieurs, sont également éradiqués. Les kilesas qui restent sont affaiblis. Il est dit que le Sotapanna ne reprendra plus naissance que 7 fois au maximum et toujours dans des plans supérieurs, car il a fermé définitivement les portes des enfers et des plans inférieurs. Ce niveau d'illumination est réalisable dans cette vie même, pourvu qu'on fournisse un effort persistant et assidu pour être attentif dans nos vies de tous les jours. May you be mindful of everything rising from the six sense doors, extinguishing the fire of the defilements. May you strive diligently and keep on noting all the occurring objects and develop step by step, stage by stage, all the inside knowledge and attain nirvana in this very life. Salam.